de Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski, Le Joueur, sur une traduction de Elie Alperine Kaminski, lue par Francis pour audiocité.net. Chapitre 1. Je suis enfin revenu de mon absence de 2 semaines. Les nôtres étaient depuis 3 jours à Rothenburg. Je pensais qu'ils m'attendaient avec Dieu sait quelle impatience, mais je me trompais. Le général me regarda d'un air très indépendant, me parla avec hauteur et me renvoya à sa sœur. Il était clair qu'ils avaient gagné quelque part de l'argent. Il me semblait même que le général avait un peu honte de me regarder. Maria Filipovna était très affairée et me parla à la hâte. Elle prit pourtant l'argent, le compta et écouta tout mon rapport. On attendait pour le dîner Maisonsoff, le petit français et un anglais. Comme ils ne manquaient pas de le faire quand ils avaient de l'argent, en vrais moscovites qu'ils sont, mes maîtres avaient organisé un dîner d'apparat. En me voyant, Polina Alexandrovna me demanda pourquoi j'étais resté si longtemps et disparut sans attendre ma réponse. Évidemment, elle agissait ainsi à dessein. Il faut pourtant nous expliquer, j'ai beaucoup de choses à lui dire. On m'assigna une petite chambre au 4e étage de l'hôtel. On sait ici que j'appartiens à la suite du général. Le général passe pour un très riche seigneur. Avant le dîner, il me donna entre autres commissions celle de changer des billets de 1 000 francs. J'ai fait de la monnaie dans le bureau de l'hôtel. Nous voilà, aux yeux des gens, millionnaires, au moins durant toute une semaine. Je voulus d'abord prendre Nisha et Nadia pour me promener avec eux. Mais de l'escalier, on m'appela chez le général. Il désirait savoir où je les menais. Décidément, cet homme ne peut me regarder en face. Il s'y efforce, mais chaque fois je lui réponds par un regard si fixe, si calme, qu'il perd aussitôt contenance. En un discours très pompeux, par phrases étagées solennellement, il m'expliqua que je devais me promener avec les enfants dans le parc. Enfin, il se fâcha tout à coup et ajouta avec roideur: car vous pourriez bien, si je vous laissais faire, les mener à la gare, à la roulette. Vous en êtes bien capable, vous avez la tête légère. Quoique je ne sois pas votre mentor, et c'est un rôle que je n'ambitionne point, j'ai le droit de désirer en un mot, que vous ne me compromettiez pas. Mais pour perdre de l'argent, il faut en avoir, répondis-je tranquillement, et je n'en ai point. Vous allez en avoir, dit-il un peu confus. Il ouvrit son bureau, chercha dans son livre de compte et constata qu'il me devait encore 120 roubles. Comment faire ce compte? Il faut l'établir en thalers. Eh bien, voici 100 thalers sans somme ronde. Le reste ne sera pas perdu. Je pris l'argent en silence. Ne vous offensez pas de ce que je vous ai dit. Vous êtes si susceptible. Si je vous ai fait cette observation, c'est pour ainsi dire, pour vous prévenir, et j'en ai bien le droit. En rentrant, avant le dîner, je rencontrai toute une cavalcade. Les nôtres allaient visiter quelques ruines célèbres dans les environs. Mademoiselle Blanche dans une belle voiture avec Maria Filipovna et Paulina, le petit français, l'anglais et notre général à cheval. Les passants s'arrêtaient et regardaient. Les faits étaient obtenus. Seulement, le général n'a qu'à se bien tenir. J'ai calculé que des 54 000 francs que j'ai apportés, en y ajoutant même ce qu'il a pu se procurer ici, il ne doit plus avoir que 7 ou 8 000 francs. C'est très peu pour Mademoiselle Blanche. Elle habite aussi dans notre hôtel, avec sa mère. Quelque part encore, dans la même maison, loge le petit français, que les domestiques appellent Monsieur le Comte. La mère de Mademoiselle Blanche est une Madame la Comtesse. Et pourquoi ne serait-il pas comte et comtesse? À table, Monsieur le Comte ne me reconnut pas. Certes, le général ne songeait pas à nous présenter l'un à l'autre. Et quant à Monsieur le Comte, il a vécu en Russie et sait bien qu'un ouchitel n'est pas un oiseau de haut vol. Un ouchitel, c'est un précepteur. Il va sans dire qu'il m'a réellement très bien reconnu. Je crois d'ailleurs qu'on ne s'attendait même pas à me voir au dîner. Le général a sans doute oublié de donner des ordres à cet effet, mais son intention était certainement de m'envoyer dîner à la table d'hôte. Je compris cela au regard mécontent dont il m'honora. La bonne Maria Filipovna m'indiqua aussitôt ma place, mais M. Asselet m'aida à sortir de cette situation désagréable, et malgré le général, M. le comte et Mme la comtesse, je parvins à être de leur société. J'avais fait la connaissance de cet Anglais en Prusse, dans un wagon où nous étions assis l'un près de l'autre. Je l'avais revu depuis en France et en Suisse. Je ne vis jamais d'homme aussi timide, timide jusqu'à la bêtise, mais seulement apparente, car il s'en faut de beaucoup qu'il soit sot. Il est d'un commerce doux et agréable. Il était allé durant l'été au Cap Nord et désirait assister à la foire de Nijni Novgorod. Je ne sais comment il a fait la connaissance du général. Il me semble éperdument amoureux de Paulina. Il était très content que je fusse à table auprès de lui et me traitait comme son meilleur ami. Le petit Français dirigeait la conversation. Hautain avec tout le monde, il parlait finance et politique russe et ne se laissait contredire que par le général, qui le faisait d'ailleurs avec une sorte de déférence. J'étais dans une très étrange disposition d'esprit. Dès avant le milieu du dîner, je me posais ma question ordinaire. Pourquoi me traîner encore à la suite de ce général et ne l'avoir pas depuis longtemps quitté? Je regardais Polina Alexandrovna, mais elle ne faisait pas la moindre attention à moi. Je finis par me fâcher et me décider à être grossier. De but en blanc, je me mêlais à la conversation. J'avais la démangeaison de chercher querelle au petit Français. Je m'adressais au général et, tout à coup, lui coupant la parole, je lui fis observer que les Russes ne savent pas dîner à une table d'hôte. Le général me regarda avec étonnement. « Par exemple, dis-je, un homme considérable ne manque pas dans ces occasions de s'attirer une affaire. À Paris, sur le Rhin, en Suisse, les tables d'hôtes sont pleines de petits Polonais et de petits Français qui ne cessent de parler et ne tolèrent pas qu'un Russe place un seul mot. » Je dis cela en français. Le général me regardait toujours avec étonnement, ne sachant s'il devait se fâcher. « Cela signifie qu'on vous aura donné une leçon quelque part, » dit le petit Français avec un nonchalant mépris. « À Paris, je me suis querellé avec un Polonais, » répondis-je, « puis avec un officier français qui soutenait le Polonais. Une partie des Français passa de mon côté quand je leur racontais que j'avais voulu cracher dans le café d'un monseigneur. « Cracher ! » s'exclama le général avec un étonnement plein d'importance. Le petit Français me jeta un regard méfiant. « Précisément, » répondis-je. Comme j'étais convaincu que 2 jours après je serais obligé d'aller à Rome pour nos affaires, je m'étais rendu à l'ambassade du Saint-Père pour faire viser mon passeport. Là, j'ai rencontré un petit abbé d'une 50aine d'années, sec, à la figure compassée. Il m'écouta avec politesse, mais me pria très sèchement d'attendre. J'étais pressé. Je m'assis pourtant et me mis à lire l'Opinion nationale. Je tombais sur une terrible attaque contre la Russie. Pourtant, j'entendis de la chambre voisine quelqu'un entrer chez le Monsignor. J'avise mon abbé et je lui demande si ce ne sera pas bientôt mon tour. Encore plus sèchement, il me prie d'attendre. Survient un Autrichien. On l'écoute et on l'introduit aussitôt. Alors, je me mets en colère. Je me lève et m'approchant de l'abbé, je lui dis avec fermeté. « Puisque monseigneur reçoit, introduisez-moi. » L'abbé fait un geste d'extraordinaire étonnement. Qu'un simple Russe prétendît être traité comme les autres, cela dépassait la jugeote du frocard. Il me regardait des pieds à la tête et me dit d'un ton provoquant, comme s'il se réjouissait de m'offenser. « C'est cela, monseigneur va laisser refroidir son café pour vous. » C'est alors que je me mis à crier d'une voix de tonnerre. « Je crache dans le café de monseigneur, et si vous n'en finissez pas tout de suite avec mon passeport, j'entrerai malgré vous. »« Comment ? Mais il y a un cardinal chez monseigneur !» s'écria le petit abbé en frémissant d'horreur et en se jetant sur la porte. Il se tourna le dos contre elle, les bras en croix, me montrant ainsi qu'il mourrait plutôt que de me laisser passer. Alors, je répondis que j'étais hérétique et barbare, et que je me moquais des archevêques et des cardinaux. L'abbé me regarda avec le plus singulier des sourires, un sourire qui exprimait une rancune et une colère infinie, puis arracha de mes mains le passeport. Un instant après, il était visé. « Pourtant, vous !» commença le général. « Ce qui vous a sauvé, » remarqua le petit Français en souriant, « c'est le mot hérétique. Ce n'était pas si bête. Vaut-il mieux imiter nos Russes ? Ils ne se remuent jamais, n'osent proférer un mot et sont tout prêts à renier leur nationalité. On me traite avec plus d'égard quand on connut ma prouesse avec l'abbé. Un gros pané, mon pané c'est monsieur en polonais, un gros pané, mon plus grand ennemi à la table d'hôte, me marqua dès lors de la considération. Les Français même ne m'interrompirent pas quand je racontais que, 2 ans auparavant, en 1812, j'avais vu un homme contre lequel un soldat français avait tiré, uniquement pour décharger son fusil. Cet homme n'était alors qu'un enfant de 10 ans. « Cela ne se peut !» s'écria le petit Français. « Un soldat français ne tire pas sur un enfant !»« Pourtant, cela est !» répondis-je froidement. Le Français se mit à parler beaucoup et vivement. Le général essaya d'abord de le soutenir, mais je lui recommandais de lire les notes du général Perovski, qui était en 1812 prisonnier des Français. Enfin, Maria Filipovna se mit à parler d'autre chose pour interrompre cette conversation. Le général était très mécontent de moi, et de fait, le Français et moi, nous ne parlions plus. Nous crions, je crois. Cette querelle avec le Français parut plaire beaucoup à M. Asselet. Le soir, j'eus un quart d'heure pour parler à Paulina, pendant la promenade. Tous les nôtres étaient à la gare. Paulina s'assit sur un banc face de la fontaine. Les enfants jouaient à quelques pas, nous étions seuls. Nous parlâmes d'abord affaires. Paulina se fâcha net quand je lui remis 700 gulden. Un gulden, c'est une monnaie autrichienne. Elle comptait qu'on m'en eût donné 2 000 comme prêt sur ses diamants. Il me faut de l'argent coûte que coûte, ou je suis perdu. Je lui demandai ce qui s'était passé durant mon absence. Rien, sauf qu'on a reçu de Pétersbourg deux nouvelles. D'abord que la grand-mère était au plus mal, puis 2 jours après qu'elle était morte. Cette dernière nouvelle émanait de Timothée Petrovitch, un homme très sûr. Ainsi, tout le monde est dans l'attente. Depuis 6 mois, on attendait que ce cela. Avez-vous des espérances personnelles? Je ne suis pas parente, je ne suis que la belle-fille du général. Pourtant, je suis sûr qu'elle ne m'a pas oublié dans son testament. Je crois même qu'elle vous aura beaucoup avantagé, répondis-je affirmativement. Oui, elle m'aimait. Mais pourquoi avez-vous cette idée? Je lui répondis par une question. Notre marquis n'est-il pas dans ce secret de famille? En quoi cela vous intéresse-t-il? Mais si je ne me trompe, dans le temps, le général a dû lui emprunter de l'argent. En effet, eh bien, aurait-il donné de l'argent s'il n'avait pu compter sur la babouchka? Avez-vous remarqué qu'à table, à 3 reprises, en parlant de la grand-mère, il l'a appelée la babouchka? Quelles relations intimes et familières! Oui, vous avez raison. Mais dès qu'il apprendra que j'ai une part dans le testament, il me demandera en mariage. C'est cela, n'est-ce pas, que vous voulez savoir? Seulement alors? Je croyais que c'était déjà fait. Vous savez bien que non, dit avec impatience Paulina. Où avez-vous rencontré cet Anglais? Reprit-elle après un silence. Je me doutais bien que vous m'interrogeriez à son sujet. Je lui racontai ma rencontre avec M. Asley. Il est amoureux de vous, n'est-ce pas? Oui. Et il est 10 fois plus riche que le français. Qui sait même si le français a de la fortune? Pas sûr, un château quelque part. À votre place, j'épouserai l'anglais. Pourquoi? Le français est mieux, mais plus vil. L'anglais est honnête et 10 fois plus riche, dis-je d'un ton tranchant. Le français est marquis et plus intelligent. Qu'en savez-vous? Mes questions déplaisaient à Paulina. Je voyais qu'elle voulait m'irriter par l'impertinence de ses réponses. Je lui exprimai aussitôt cette pensée. Je m'amuse en effet de vos colères, répliqua-t-elle. Il faut que vous me payiez l'impertinence de vos questions. J'estime en effet que j'ai le droit de vous poser toutes sortes de questions, répondis-je très tranquillement, puisque je suis prête à payer mes impertinences et à vous donner ma vie pour rien. Paulina se mit à rire à gorge déployée. Dernièrement, à Schlagenberg, vous étiez prêt, sur une parole de moi, à vous jeter tête baissée dans le précipice, et il avait, je crois, 1 000 coudées. Je la dirai quelque jour, cette parole que vous attendiez, et nous verrons comment vous vous exécuterez. Je vous hais pour toutes les libertés de langage que je vous ai laissé prendre avec moi, et davantage encore parce que j'ai besoin de vous. D'ailleurs, soyez tranquille, je vous ménagerai tant que vous me serez nécessaire. Elle se leva. Elle parlait avec irritation. Depuis quelque temps, nos conversations finissaient toujours ainsi. Permettez-moi de vous demander quelle personne est Mademoiselle Blanche? Vous le savez bien, rien n'est survenu depuis votre départ. Mademoiselle Blanche sera certainement Madame la Générale, si le bruit de la mort de la babouchka se confirme, car Mademoiselle Blanche, sa mère et le marquis, son cousin au troisième degré, savent très bien que nous sommes ruinés. Et le général est amoureux fou? Il ne s'agit pas de cela. Tenez, voici 700 florins. Allez à la roulette et gagnez pour moi le plus possible. Il me faut de l'argent. Elle me quitta et rejoignit à la gare toute notre société. Moi, je pris un sentier et me promenais en réfléchissant. L'ordre d'aller jouer à la roulette me laissait abasourdi. J'avais bien des choses en tête et pourtant je perdais mon temps à analyser mes sentiments pour Paulina. Parole, je regrettais mes 15 jours d'absence. Je m'ennuyais alors. J'étais agité comme quelqu'un qui manque d'air. Mais j'avais des souvenirs et une espérance. Un jour, cela se passait en Suisse, dormant dans un wagon, je me surpris à parler haut à Paulina. Ce furent, je crois, les rires de mes voisins qui m'éveillèrent. Et une fois de plus, je me demandais, l'aimais-je? Et pour la centième fois, je me répondis, je la hais. Parfois, surtout à la fin de nos conversations, j'aurais donné pour pouvoir l'étrangler toutes les années qu'il me reste à vivre. Oh, si j'avais pu enfoncer lentement dans sa poitrine mon couteau bien aiguisé! Il me semble que je l'aurais fait avec plaisir. Et pourtant, je puis jurer aussi que, si là-haut, sur le Schlagenberg, la montagne à la mode, elle m'avait dit « Jetez-vous en bas », je l'aurais fait, avec bonheur. D'une ou d'autre façon, il faut que cela finisse. Elle se rend très bien compte de tout ce qui se passe en moi. Elle sait que j'ai conscience de l'absolue impossibilité de réaliser le rêve dont elle est le terme. Et je suis sûr que cette pensée lui procure une joie extrême. Et c'est pourquoi elle est avec moi si franche, si familière. C'est un peu l'impératrice antique qui se déshabillait devant un esclave. Un Nuchitel n'est pas un homme. Pourtant, j'avais mission de gagner à la roulette. Dans quel but? Il était évident que, durant les 15 jours de mon absence, une foule d'événements était survenue dont je n'avais pas connaissance. Il fallait tout deviner. Et je n'avais pas seulement le temps de réfléchir. Je devais aller à la roulette.